بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى أهله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، حياكم الله. فاليوم سنأخذ بقية الكتاب، وهذا البقية وهذه البقية لم تذكر في التطبيق. Donc là, on va poursuivre ce que l'auteur a mis à la fin de son livre, qui n'est malheureusement pas présent dans l'application. Ceux qui suivent depuis l'application ne l'auront pas. Mais ceux qui suivent depuis le PDF, depuis le livre de base, s'il est long, ou même le livre qui a été traduit et édité, pour ceux qui l'ont encore, parce qu'il est épuisé, ils auront cette partie-là, qui est « Dhikr Asma Illahi al-Husna » بِأَدِّلَتِهَا qui est d'évoquer, de citer le nom d'Allah Azza wa Jal, le plus beau nom, avec leurs preuves. كَمَا قَالَ تَعَالَى وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا et à Allah appartient le plus beau nom, invoquez-le avec. Et ces noms, Allah Azza wa Jal, مِنْهَا مَا هُوَ مُخْتَصٌّ بِهِ وَمِنْهَا مَا هُوَ Parmi ces noms, il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qui lui sont propres à lui, que seul lui peut être nommé avec. Comme par exemple Ar-Rahman, ou Allah, ou Akaza. Ce sont des noms qu'on peut nommer autre que lui. D'autres noms qui sont communs, qu'on peut trouver dans la créature. Al-Aziz, par exemple, Ar-Rahim, Al-Qawi, Al-Sami, Al-Basir. Ce sont des noms qu'on peut trouver dans la créature. Seulement les trouver chez la créature n'implique pas une ressemblance avec le nom d'Allah Azza wa Jal. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir. Il n'y a rien qui est comme lui, il est l'audient, parfaitement audient et parfaitement clairvoyant. C'est juste une chose qui est qu'on va trouver dans l'épreuve. Et Asma'ullah Azza wa Jal, alam, tayyib, alam wa awsaf. Le nom d'Allah Azza wa Jal, c'est ce qu'on nommerait en français des noms propres, c'est-à-dire pour savoir qui il est, et également des descriptifs qui lui conviennent, contrairement à la créature. Par exemple, tu aurais une personne, un homme, on va l'appeler Saleh. Son prénom est Saleh. Saleh, en arabe, ça voudrait dire quelqu'un de vertueux, quelqu'un de droit. Et pourtant, Saleh, ben, c'est un mufsid. C'est quelqu'un de pas bien. Il s'appelle Saleh. Est-ce que le fait qu'on l'appelle Saleh veut dire qu'il est comme ça? Non. C'est son prénom. Il s'appelle Saleh. Mais son prénom n'implique pas forcément son caractère ou son comportement. Amma Allah Azza wa Jal, lui, ses noms sont considérés comme étant des noms propres qui lui sont propres à lui et également des descriptifs qui lui conviennent. Allah mi asma'i as-sami'a. Le parfaitement audient. C'est-à-dire que Allah, il entend. Wa akaza. Et ces noms-là, il faut savoir qu'ils sont fi haqqihi khali'an kulli naqs wa 'ayb. Ces noms sont dénués de tout défaut, de tout manquement, de toute faiblesse. Ces noms, ils sont parfaits. Et pourquoi l'auteur il a cité cela à la fin du livre? Selon le hadith de Abu Huraira, an an-nabi alayhi salatu wa salam, قال لله 99 اسما من حفظها وأحصاها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر أخرجه البخاري ومسلم يعني الحديث متفق عليه. Le Nabi صلى الله عليه وسلم a dit que il y a 99 noms d'Allah, celui qui les aura mémorisés entrera au paradis, et que Allah est un père, il aime l'impair. Donc ce hadith a été mal compris par beaucoup de gens qui ont cru que les noms d'Allah Azza wa Jal ne sont que 99. Wa hadith, le hadith n'indique pas cela. Ce hadith, il dit Inna lillah tis'atan wa tis'in. Et là, dans la version du mode, c'est lillah tis'atun wa tis'un. C'est-à-dire qu'il y a pour Allah, d'accord, ou que Allah a 99 noms. Seulement, le hadith ne dit pas que Allah n'a que 99 noms. Et l'exemple que Cheikh Al-Othaymeen donne, qui est très beau, Il dit, par exemple, c'est comme si tu disais, j'ai dans ma poche 100 euros. Ceux qui les trouvent, ils sont à lui. Est-ce que cela veut dire que tu n'as que 100 euros dans ta poche? Tu vas avoir 200, 300. Mais seulement, tu as 100 euros réservés, celui qui les trouve, ils sont à lui. Ça ne veut pas dire que tu n'as que 100 euros dans ta poche. Donc ce hadith, fiad al-ma'na, que parmi les noms d'Allah, azawajal, il y en a 99. Cependant, est-ce qu'ils sont dénombrés à cela? Non. Il y a des hadiths qui le montrent. Mais c'est dans le hadith, قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك بكل اسم ولك وانزلت في كتابك وعلمت أحد من خلقك أو استأثرته في علم الغيب عندك أنت جل القرآن ربيع قلبي. Il a dit quoi le Nabi صلى الله عليه وسلم, oh Allah, je t'invoque par tout nom qui est à toi, que tu as fait descendre dans ton livre, que tu as enseigné à quiconque dans ta création ou que tu as gardé auprès de toi dans la science de l'invisible. C'est-à-dire qu'il y a des noms d'Allah Azza wa Jal qu'on ne connaît pas forcément. Et il y a d'autres hadiths comme la ursi thana alayk. C'est-à-dire, je ne peux dénombrer le nombre d'éloges qu'il y a sur toi, et parmi ces éloges, le fait de le nommer par ses noms. Donc, il est erroné de croire que les noms d'Allah Azzawajal ne sont que de 99. Et donc, là, l'auteur, il va citer avec des preuves des noms que lui, il a déduit des preuves, et qui arrivent, selon lui, au nombre de 109. 109, ce qui dépasse 99. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous, là? On va lire, on va étaler cela sur différents cours, on va les lire en donnant la traduction approximative du sens de ces noms, ou leur sens, si on ne trouve pas un mot d'équivalent. Car il ne faut pas oublier que ces noms sont en arabe. Et Allah Azzawajal, on ne le nomme que par ces noms. Et ces noms ne sont à traduire que pour comprendre le sens, pour indiquer. On ne le nomme pas comme ça. Comme par exemple, une masala que je cite souvent, le fait de nommer Allah Dieu, c'est une erreur de nommer Allah Dieu. D'accord? Bien que Allah Azzawajal, c'est, voyez, un Dieu et c'est le vrai. Mais le mot Dieu n'est pas un de ses noms. Et si on devait traduire Allah, ça aurait été le Dieu, la divinité, par exemple. Mais dire Dieu comme ça tout seul, là, ce n'est pas correct. Car déjà, Dieu, c'est un nom qui a le pluriel et qui a un féminin. Et Allah Azzawajal, bien sûr, est purifié de cela. Donc le nom, le mot Dieu n'est pas parmi les plus beaux noms. C'est un nom qui est invariable et réel, donc il ne convient pas à Allah Azzawajal. Mais maintenant, tu peux traduire pour indiquer à quelqu'un ce que veut dire Allah, s'il te demande. À me dire Dieu l'a dit, Dieu l'a fait, ça c'est pas correct. On l'a bien dit au début dans le verset, « وَلِلَّهِ الْأَسْمَى الْحُسْنَى فَدْعُوهُ بِهَا » Que Allah a les plus beaux noms, donc nommez-le avec, invoquez-le avec. C'est ça qu'il faut faire. Donc le nommer de la sorte, c'est une erreur. Et une preuve de laxisme chez la part d'entre ceux d'entre nous qui agissent de la sorte. Voilà, kada. Et j'ai déjà fait des audios qui en parlent souvent avec plus de détails. Hada fi kifaya, inshallah. Taïb. Donc, en premier lieu, il a nommé, enfin il a cité comme parmi ses noms, Allah, al-ilah, al-hayy, al-qayyum. Qui sont Allah, d'accord ? Al-ilah, qui voudrait dire la divinité, et Al-hayy, qui veut dire le vivant, d'une vie parfaite, sans début et sans fin. Parce que le hayy, l'être humain aussi, il est hayy. Mais sa vie, elle a un début. La vie de l'être humain, elle a un début. Celle d'Allah Azzawajal n'a pas de début, n'a pas de commencement. Et Al-qayyum, c'est un nom qui n'aura pas d'équivalent en français, mais c'est celui qui se tient par lui-même, et qui fait tenir autrui par lui-même. Ça veut dire que Allah Azzawajal n'a besoin de personne, mais que tout a besoin de lui. Et le dalil de ces quatre noms vient dans le premier verset de sourate Ali Imran, qu'Allah Allah Azza wa Jal, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Voyez, qui est Allah, aucune divinité, c'est-à-dire n'est d'être adoré en dehors de lui, il est le hayy, le vivant, d'une vie parfaite, le qayyum, comme on l'a expliqué. Ah ouais, c'est ça, c'est celui dans sourate al-Baqarah, dans Ayat al-Kursi, on le trouve également dans Ali Imran. طيب ثم قال الرب الرحمن الرحيم الرب qui est traduit par le Seigneur le souverain الرحمن ça c'est parmi les noms qui ne reviennent que Allah subhanahu wa ta'ala et كذلك الرب avec alif wa lam ça ne revient que Allah azza wa jal mais quand c'est rab à autre chose qui est mudaf à un autre mot ou quoi peut être appliqué sur la créature mais الرب avec elle ça c'est que pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ar-Rahman كذلك من أسماء الله خاصة مختصة به. Nul peut être nommé par ce nom-là, Ar-Rahman. Et Ar-Rahim, par contre, on peut le trouver pour la créature. Quelle est la différence entre Ar-Rahman et Ar-Rahim? Ar-Rahman wa al-muttasif bi Ar-Rahma al-wasi'a. Wa Ar-Rahim wa al-lazi wasil rahmatahu ila man sha'a min khalqi. Donc Ar-Rahman, c'est celui qui serait décrit comme ayant la miséricorde absolue. Et Ar-Rahim, c'est celui qui fait parvenir cette miséricorde à qui il veut, en fait. Il y en a un, ça revient à Allah Azawajal, et l'autre, ça revient à son acte qui est de retransmettre cette rahma à sa création. Donc c'est la différence entre les deux. والدليل قول الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم tout simplement dans Al-Fatiha comme vous le savez. الفرق بين الرحمن الرحيم الرحمن هو المتصف بالرحمة الواسعة et celui qui se décrit comme ayant cette rahma qui est immense. Et Ar-Rahim, c'est l'acte de faire parvenir cette rahma à la création. Et ça, c'est la différence que Cheikh Al-Othmani l'a citée. Et An ibn Abbas, radiallahu anhu, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما الركوع فعظموا فيه الرب عز وجل. أخرجه مسلم. Il a dit le Nabi صلى الله عليه وسلم. Et quant à l'inclinaison, alors il faut y, je sais pas si on dit sublimiser, ça se dit sublimer, sublimer, taïeb. Le Seigneur, taïeb, azza wa jal. Donc il l'a nommé Ar-Rab. ثم قال الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور العزيز الحكيم. الملك, ça, c'est le roi. Ça peut être également le souverain. Al-Quddus est celui qui est sanctifié, qui a la sacralité absolue. Al-Salam, c'est la paix. Et ça peut être traduit par le salut. Al-Mu'min, c'est le croyant. D'accord? Le croyant. Et mais on va dire que quand on dit qu'Allah, c'est un croyant, ce n'est pas la foi de la créature, taban. Mais il croit en, comment dirais-je, la véracité de ses serviteurs. Et Ani Bourtabara, il est pris en considération auprès de lui, qu'il sait, il y croit. Des choses qu'il sait lui-même. Al-Muhaymin, ce serait l'apaisant. Takriban. Al-Jabbar, ce serait le contraignant. Celui qui force à faire les choses. Et Allah Azzawajal, c'est un jabbar parce que, مثلاً, نحن مستسلمون لأمره. On est sous ses lois, kawniya. Notre corps, on ne le maîtrise pas. Notre santé, on ne la maîtrise pas. Ce sont des choses auxquelles nous sommes contraints, tous, en tant que créatures. Et c'est Allah Azzawajal qui nous a soumis à ces lois-là. Ces lois physiques. Al-Mutakabbir, on traduirait par l'orgueilleux. Les gens diraient, mais orgueilleux, c'est une chose qui n'est pas bonne. On dit que ce n'est pas bonne concernant l'être humain. Car l'orgueil, c'est le fait de quoi? De rabaisser la vérité et de la rejeter. Cette vérité, c'est qui l'a créée? C'est Allah Azawajal. Donc le takabbur min sifatihi, il est au-dessus de la vérité, Allah Azawajal. Mais nous, on n'est pas au-dessus de la vérité. Donc, fi haqqillah Azawajal, ada wasun kamal. Concernant Allah Azawajal, c'est un attribut de perfection. Quant à l'être humain, c'est un défaut d'être orgueilleux. Un très mauvais défaut. Al-Kibr. Al-Khaliq, c'est le créateur. Al-Bari'u, ça a un sens synonyme au créateur qui est celui qui donne début à une chose. Et Al-Musawwir, c'est celui qui façonne, qui donne forme à une chose. Mathalan nahnu, Allah Azza wa Jal, sawwarana rasulatihi. Allah nous a créé, comme dans un hadith qui est venu dans son image. Maintenant, est-ce que son image veut dire qu'on est comme lui? Non, une fois de plus. Mais dans le hadith, c'est venu. Anna Allah khalaqa Adam ala suratihi. Que Allah azawajal a créé Adam à son image. Et cette image d'Allah azawajal prouve que Allah, il est une surah parmi ses sifat, surah. Cependant, le comment on ne le connaît pas. Al-Aziz, qui voudrait dire le puissant. Et ça, c'est également un nom qu'on peut donner à une créature. هذا القرآن سيفني العزيز صورة يوسف وقالت امرأة العزيز الحمد العزيز على دي تلات الشوز الحكيم c'est celui qui a la sagesse absolue ou même le jugement absolu. والدليل قول الله عز وجل هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. ثم قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. J'aime pas traduire ce genre de verset, les frères, wallah. Ça fait perdre trop de valeur. Mais comme on vient de traduire les noms, Inch'Allah, je pense que c'est acquis. Hein? Taïeb. Thumma qal, al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batinu, al-alimu. Al-awwalu, c'est le premier, sans précédent. Al-akhiru, c'est le dernier, sans successeur. Al-Zahiru, c'est l'apparent. Al-Azawajel, en quel sens il est apparent? Ben, par sa création. Car la création est forcément un créateur. Et il est aussi également apparent, Yom Al-Qiyama, pour les croyants qui le verront. Avec la divergence qui existe sur Arasat Al-Qiyama, lorsque les gens seront rassemblés, est-ce que les gens du livre le verront et les Munafiqoud le verront? Certains ulama disent non, mais il y a des hadiths qui prouvent que oui. Mais ils ne le verront pas d'une vision d'agrément. كذلك ذكرنا الباطن. الباطن c'est le caché, on dira comme ça. Parce qu'Allah Azawajel, en ce moment, on ne le voit pas. D'accord? Allah Azawajel ne veut pas qu'on le voit. En ce moment. Al-Alim, il traduit ça en français par l'omniscient. Celui qui a le savoir absolu. Et c'est toute chose. Et le dalil, قول الله عز وجل, سورة الحديد, verset 3, قول, non, هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وهو بكل شيء عليم. Donc tous ces noms sont réunis en un seul et même verset. ثم قال, الغفور, الودود, المجيد. الغفور, c'est le pardonneur. الودود, ça serait l'affectueux. المجيد, ça serait le splendide. والدليل قول الله عز وجل وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد qu'il est le pardonneur et l'affectueux détenteur du trône. Et là des gens vont dire mais Majid c'est le trône qui serait Majid là dans le verset, comme on pourrait le croire. On dit non, parce qu'il a dit ذو العرش, donc l'arshi là il est majrour, il est kasra, et le Majid il est marfou, il est dhamma, ce qui prouve que Majid ça revient, c'est martouf sur Rafour et Rwadoud, donc ça revient à Allah Azawajal, et non pas au trône. Et ça, il faut avoir quelques notions en grammaire pour s'en rendre compte. Mais quelqu'un qui ne connaît pas la grammaire, qui voit le verset en premier lieu, va croire que le Majid, c'est un attribut de Arsh. On dit non, ça revient à Allah Azawajal. Et on le sait comment? Par les harakat à la fin du mot. Et ceux qui parlent l'arabe et qui comprennent un peu la grammaire, se rendent compte de cela tout de suite. Thumma qala al-Razak Al-Qawiyyu Al-Matinu. Al-Razak, c'est le grand pouvoirieur à la subsistance. Que c'est Allah Azawajel qui donne les besoins à toutes ces créatures. Et le risque, c'est une chose qui est large, qui ne se limite pas qu'à la nourriture. Toute chose qui t'est apportée et qui te sert dans ta vie, dont tu as besoin, c'est un risque. Même un enfant, qu'Allah t'aura octroyé, ça rentre dans le risque. Et Arsène Noir Mine Risque, wa al-ilm en nafia. Et la meilleure forme de risque qu'Allah peut t'accorder, c'est le savoir utile. Car des gens, quand Allah dans le Coran nous promet du risque, les gens imaginent tout de suite de l'argent. C'est pas forcément que de l'argent. C'est pas forcément que de l'argent. Allah des fois donne du risque, tu te rends pas compte. Et le risque, ça rentre dedans le halal et le haram. Sachez-le bien. Même ce qui est haram, c'est du risque d'Allah Azawajal. Car si quelqu'un dit, mais c'est haram, il dit, est-ce que autre que Allah donne, Tu as dit, ah non, donc, ce risque vient d'Allah, mais il est haram. Donc, ça veut dire que même quelqu'un qui vole, qui pense qu'il a volé, c'est de risque d'Allah, azawajal. Mais ce risque, il ne lui est pas permis à la base. Donc, quelqu'un pourrait, des gens pourraient penser, mais ça vient pas d'Allah, c'est haram. On dit, tout vient d'Allah, azawajal. Le halal et le haram. C'est Allah qui a créé ce risque. Donc, ça revient à lui. Seulement, non, il ne l'a pas permis de le prendre. C'est comme le porc, par exemple, c'est haram. Mais qui c'est qui a créé le porc? C'est Allah, azawajal. L'alcool, c'est interdit. Mais qui c'est qui a créé l'alcool? C'est Allah, azawajal. Non. Parce que des gens, des fois, pensent ça. Le risque, c'est forcément halal. On dit non. Ça peut être haram également, mais ça peut être du risque également. Al-Qawiyyu, ça, c'est le fort. Une force absolue. Il-Matin, je crois qu'ils traduisent par l'inébranlable. À la base, une chose matine, un homme matine, c'est une personne qui est corpulente. Quelqu'un qui a un gros corps. Vous voyez? Et là, fi hakla azawajel, c'est celui qui traduit par l'inébranlable. Ça veut dire, ça revient un peu à une coup ou à une force que tu ne peux atteindre. Takriban hawla hada. Wallahu ta'ala alam. Des fois, c'est dur de traduire le nom d'Allah azawajel parce que une mauvaise traduction, ça peut amener à un tahrif qui change de sens et qui peut amener à dire sur Allah ce qui n'est pas vrai. Et ça, le problème. Donc, faire attention. الدليل قول الله عز وجل إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين que certes Allah est le Razzaq détenteur du arch l'inébranlable. Il est pareil, des gens pourraient penser afin ذو القوة afin de la force et il est l'inébranlable. Ce n'est pas la force qui est inébranlable, c'est Allah عز وجل. وقول الله تعالى والقوي العزيز il est le fort et le puissant. Et souvent Allah عز وجل dans le Coran il lit deux noms ensemble. Pourquoi? Pour montrer sa perfection. Mathalen, Al-Aziz al-Hakim. Allah, il va dire, Aziz, qu'il est Aziz et Hakim ensemble. Pourquoi? Car souvent, quelqu'un pourrait dire qu'une personne qui est Aziz, qui est puissante, souvent elle est injuste. Car sa force, on va dire, elle fera abus de pouvoir. C'est le cas chez la créature. Les gens qui sont forts, généralement, ils abusent de leur pouvoir. Ils effraient les gens, ils imposent leurs lois. Alors qu'Allah te dit qu'il est puissant, et malgré cela, il est sage. Il n'y a pas à te léser, malgré sa puissance. Il pourrait le faire, mais il se l'interdit à lui-même d'être injuste. Mais la kudra, le potentiel, la capacité, il l'a. Mais il ne le fera pas. ثُمَّ قُلْنَا الْخَيْرِ الْحَافِظِ الْحَافِظِ Donc le khayr, c'est traduit par le bien. الْحَافِظِ El Hafiz serait deux sens qui seraient assez synonymes, qui serait le sens de gardien, conservateur, protecteur, takriban. Qu'Allah Azza wa Jal, fallahu khayru hafiza wa huwa arham rahimin. Que Allah est le meilleur des protecteurs, il est le plus miséricordieux. Des miséricordieux, on dira comme ça. De ceux qui ont la miséricorde, c'est Allah qui en a le plus. وقال تعالى إن ربي على كل شيء حفيظ que mon Seigneur garde toute chose préserve toute chose c'est combien là place 33 on va s'arrêter là inchallah on a pris 33 noms aujourd'hui et ces noms d'Allah Azzawajal ils sont توقفية les noms d'Allah Azzawajal on ne les prend que d'un dalil on ne les invente pas jamais. Vous voyez, il y a Tawqifi, ça s'appelle Tawqifi, c'est-à-dire ça reste sur un décret divin, par une preuve. On ne peut pas donner un nom à Allah qui n'est pas le sien. Pourquoi? Parce qu'en disant ça, il se peut qu'on donne un nom qui a un défaut qui ne vient pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on aura menti sur lui. Donc quand quelqu'un te dit, Hel hadha, par exemple, tu n'as pas d'alil, pas de texte, tu vois, quelqu'un te dit, Hel hadha min asma'illah, tu dis, je n'ai pas de dalil. Tu ne peux pas dire sans lien, ça n'en est pas un. Je ne sais pas. Tu vois, tu dis, je ne sais pas. Quand en disant non, il se peut que c'est un sinon, tu le sais pas, et t'auras dit non. Et si tu dis oui, il se peut que c'est pas un sinon, t'auras dit oui. Donc tu dis quoi? Je te connais pas de dalil sur ce nom. Sauf un nom qui enfermerait un défaut apparent direct. Là, tu peux pas l'attribuer. Mais des fois, t'as des noms, ils te paraissent comme étant corrects au premier abord, mais en réalité, tu ne sais pas. Donc tu dis, ce nom-là, je ne connais pas de dalil qui soit parmi les noms d'Allah Azzawajal. Donc ni tu récuses, ni tu affirmes. Tu t'abstiens. Comme on dit. tu dis Allah a'lam. Hada nisf al-ilm. C'est moi qui dois savoir, tu dis Allah a'lam. Naam. طيب يا إخوة سنكتفي بهذا اليوم وسنواصل يوم الجمعة بإذن الله. فسبحانك وبحمدك لا إله أنت أستغفرك وأتوب إليك.